Yeah. 7, 3, 9, 1. Quand j'entends cette mélodie, je repense à toutes mes conneries, ces putains de conneries qui ont fait souffrir, pleurer, gueuler ma pauvre mère. Militaire à chic, ce que tu dis dans ta musique, ce n'est que le fruit de ce que t'as envie de dire. Tu veux avouer à la seule personne qui connaît tes peurs, qui te croit, qui t'aime, qui te chérit du fond du cœur. Nos mères sont les êtres les plus chers et que l'on a. Tâchons de ne pas les perdre ni les décevoir. Peu importe où on est, d'où on vient, l'important c'est de prendre la chance à pleine main. Nos cœurs et nos âmes nous réclament le bonheur qui que le malheur sans état d'âme. Ma plume demande pardon à ceux que j'ai blessés. Donc à Militari, le micro je vais laisser. Ouais, Ingris, t'as pas tort. Nos mères doivent être les plus chères à nos cœurs. Sans elles, nous on meurt. Si on les écoute pas, on risque de finir dans le décor. Elles nous conseillent et nous aiment, même si nos conneries on les sème. Faudra bien qu'un jour tout ça cesse. L'amour de nos mères est une richesse. Ingris et Militari vont changer leur vie pour ne plus trahir leurs envies. Nos mères veulent qu'on soit heureux, donc on doit les emmener vers les cieux. En tant que fils et filles, c'est notre devoir. Si on veut que le bonheur vienne un jour les voir, à toutes ces mères qui désespèrent chaque jour, la joie se perd mais revient toujours. Militari, sortons nos plus belles faces pour dire à nos mères combien on enrage de les voir souffrir à cause de nous. Merde, j'aimerais revivre certains jours, car peu d'entre nous ont la même vie que moi. Militari, toi tu comprends quelque part, car toi aussi ta mère tu as fait souffrir. Aujourd'hui, sur de bonnes bases, tu veux repartir pour enfin avec nos mères être en bon terme. Nous devons de souvent leur dire je t'aime, même si on leur dit tous les jours, jamais elles n'en auront marre, car elles connaissent notre amour. Mais face sort tout droit de mon cœur, car sans lui à mes côtés, je n'aurais que le malheur. Merde, Militari, faut qu'on sorte de notre enfer, et qu'enfin on se rapproche de nos mères.